Êtes-vous macaïste ? Histoire martienne par Jacques Péricard. C'est aujourd'hui 23 avril que le professeur américain David Todd doit se mettre en communication avec la planète Mars, si toutefois la planète Mars est disposée à l'entendre. On ignore trop que cette tentative n'est pas la première du genre et que déjà, voilà une dizaine d'années, un autre savant, professeur lui aussi, et américain cela va sans dire, eut l'honneur d'établir entre la Terre et Mars des relations radiotéléphoniques. C'est du moins ce qu'affirma devant moi le capitaine Gordon Tower, dont je fis la connaissance en juin 1918, dans la région de Massige, alors qu'il commandait la 5e compagnie du régiment américain affecté à notre division. Le capitaine m'avait invité à déjeuner à son PC, ainsi que mes deux vieux camarades du 95e, de la rue, capitaine, adjudant-major, et Saint-Mont, lieutenant porte-drapeau. Le repas fut digne de l'hospitalité américaine, et cette simple déclaration me dispense de plus amples détails. Au dessert, Saint-Mont, qui en sa qualité d'avoué possède une âme éminemment poétique, mit la conversation sur la pluralité des mondes habités. « Yes, » affirma le capitaine, « I know. Un monde, pour le moins, est habité par des individus intelligents, le planète Mars. » Et voici le récit qu'il nous fit avec un accent de sincérité qui entraînait la conviction à sa suite. Au dernier jour de mars 1911, le professeur McCobb, le plus grand astronome et ingénieur électricien dans le monde, qui avait pris la tâche d'être le premier à converser avec des martiens, commençait l'installation de ses appareils en haut d'un pic des montagnes rocheuses. Son ami, le capitaine Gordon Tower, l'assistait dans ses expériences. Le 9 avril, tout fut au point. À 9 heures du soir, les aides mettaient en marche l'énorme machine, les deux hommes s'asseyaient devant les appareils téléphoniques et plaquaient les récepteurs à leurs oreilles. « Allô, allô ?» cria le professeur. Il y eut une bonne demi-heure d'attente pendant laquelle le professeur répéta sans se lasser « Allô, allô ?» quand tout à coup un autre « Allô, allô ?» lui parvint de l'immensité de l'espace. « Vous êtes bien Mars ?» demanda le professeur. « Oui, et vous, vous êtes bien la Terre ?» répondit la voix. « Nous sommes. Eh bien, vous n'êtes pas pressé de nous répondre. Voilà 643 de nos années que nous vous appelons au téléphone. » Le professeur allait poser quelques-unes des questions qu'il avait préparées, mais la voix martienne prit l'offensive. « Êtes-vous macaïste ?»« Macaïste, » répondit le professeur. « Je ne saisis pas très bien. Mais dites-moi, ces grandes lueurs que nous apercevons aux deux pôles de Mars, est-ce que... « Je vous demande si vous êtes macaïste, » dit la voix avec mauvaise humeur. « Si vous n'êtes pas macaïste, je coupe la communication. Je ne veux pas perdre mon temps avec un damné anti-macaïste. » La façon dont cette question était posée rendait facile la réponse. « Je suis macaïste, » affirma le professeur avec énergie. « Bravo, » dit la voix. « Et sur la Terre, y a-t-il beaucoup d'anti-macaïstes ? Pas un, » rugit le professeur. « Pas un seul, je vous en donne ma parole. » « Hourrah, vieux frère terrien, et vive Maca ! Vive Maca, vieux frère martien !» La voix ne fit plus de difficultés pour répondre aux questions du professeur. Les grandes lueurs qu'on observe parfois aux deux pôles de Mars sont des bûchers électriques où l'on fait griller les anti-macaïstes dès qu'on peut capturer quelques douzaines de ces répugnants bandits. Les canaux mystérieux de Mars sont bien des canaux véritables et non des illusions de l'optique, comme crut le voir l'avancer un facétieux astronome français. Ils furent creusés pour servir de frontière entre les nations macaïstes et les nations anti-macaïstes. Le professeur McCobb, ayant demandé quelques précisions sur l'hydrographie de Deimos et de Phobos, ce lui fut l'occasion d'apprendre que ces deux satellites de Mars venaient de tomber depuis peu aux mains des macaïstes. Ceux-ci étaient en train d'y installer des machines extrêmement puissantes avec lesquelles ils espéraient anéantir à distance, au moyen de rayons bleu-vert, tous les habitants des pays anti-macaïstes. « Quelle est votre religion ?» demanda encore le professeur. « Macaïste. Votre système philosophique ? Macaïste. Votre forme de gouvernement ? Macaïste. Votre école littéraire ? Macaïste. » C'était une obsession. « Excusez-moi, » dit à la fin le professeur. Mais notre documentation terrestre a quelques lacunes. Voudriez-vous me donner quelques détails sur le macaïsme ? Quoi ? S'écrit la voix avec un ton de stupéfaction profonde. Ne savez-vous pas que Maca fut ce martien ? premier garçon debout chez infirmier général qui, en l'an 1261 de votre ère, fut injustement accusé par son maître de lui avoir dérobé une demi-douzaine de fourchettes. » À ce moment, un violent orage interrompit la conversation. Elle ne put jamais être reprise. « Mais en quelle langue ? » s'expliquait donc le Martien, interrogea de la rue, non sans naïveté. « En anglais, vieil homme, » répondit le capitaine, « en anglais. La langage anglaise est le seul parlé dans les planètes civilisées. » Tel est le récit que nous fit le capitaine Gordon Tawa. De l'authenticité de ce récit, je ne puis donner en témoignage que la seule parole du capitaine, mais cela suffit. Il m'arrive parfois de raconter des jokes et des humbugs quand je suis à jeun, aimait à dire mon vieux camarade, mais je ne plaisante jamais quand je suis bu. Or, au moment où il commença son histoire, nous en étions à la 12e bouteille de champagne. C'était « Êtes-vous macaïste, histoire martienne » par Jacques Péricard.